C'était trop simple, trop beau il me semble, trop sain, un troupeau trompé, la vie la vraie me semble, je vis sans des visages, des vices et des vices, introverti, la nation des visages, des filles sages, il me semble pas, ma vertu, l'intonation, ai-je contente des visages, pas société sarco, canon temple, je défie ça, sage sarco, canon temple, hardcore, des carreaux remplis. J'perds plus grand chose, regarde mon tank. C'est mon cœur, mon heure, l'odeur, mes nerfs et merde. Faut pas que j'm'énerve, mec. C'était trop simple, trop beau, il me semble. Trop sombre, trop sain. Un troupeau trompé, chante, mère où il me semble. Pour une mélodie dédiée au diable, radil radieux, PO disque. J'vois que des rats, des rats qui dérapent, des raves et des rats blindés. Les gens s'en remettent à Dieu, d'autres frappes se mettent à deux dérapes. Merdique, j'dis que c'est la merde. Tant d'esprit, pas libre, pris, sans cesse croire, cri, sans cesse, en stress, en esbibi, sans espoir, boire, sans cesse, pile, fric à voir sans cesse, pourtant ici on vit sans, et pour le tox, savoir sans cesse, c'est une vie de sang, un scénar, tchap, ça y ressemble. Quand je tarde, chope une scénar de sang puissant sur une de ses marques. Un de ces jeunes indigènes, les gens disant tant pis, vaut mieux que je vomisse, gens indigestes, je vaut mieux MJ, d'accord. C'était trop simple, trop beau il me semble. A mon avis la vie la vraie vide. Il me semble, je vis sans un scénar, tchap, ça y ressemble. Et les jambes des visages, putain de scénar, sarco. C'était trop simple, t'es trop simple, même trop sombre, c'est mon arco.